Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Duprès 1862. Troisième partie. Prologue. Comme notre Seigneur, en délivrant son peuple du péché, selon le témoignage de l'ange, nous a montré en lui-même la voie qui peut nous conduire par la résurrection à la béatitude de la vie éternelle, il est nécessaire, pour achever l'entreprise d'une théologie complète, qu'après avoir étudié notre fin dernière, ainsi que les vertus et les vices, nous considérions le Sauveur même du genre humain et les bienfaits dont il nous a comblés. Du Christ, qui est la voie pour aller à Dieu. Explication. Dans cette troisième partie, nous avons à examiner, en premier lieu, le Christ lui-même, qui, comme homme, est la voie pour aller à Dieu, secondement, les sacrements, au moyen desquels nous obtenons le salut, troisièmement, notre fin, qui est la vie éternelle, à laquelle nous parvenons par la résurrection. Touchant le Christ lui-même, le mystère de l'incarnation et les actions du Christ incarné se présenteront à nos études. L'incarnation nous offre trois points à considérer, sa convenance, le mode de l'union, les effets de cette union. Voyons d'abord la convenance de ce mystère. Question 1. De la convenance de l'incarnation. Si l'incarnation était convenable, si elle était nécessaire, de l'hypothèse où Adam n'eut pas péché, du but de l'incarnation, convenance du temps. 1. Convenait-il que Dieu s'incarnât? Il est très convenable que ce qui est invisible en Dieu soit manifesté par des choses sensibles, le monde entier a été fait pour cette fin, selon cette parole de saint Paul, les perfections invisibles de Dieu nous sont connues au moyen des créatures. Romains 1, 20. Or Dieu, par le mystère de l'incarnation, met en évidence tout à la fois sa bonté, il n'a pas dédaigné la faiblesse de sa créature. Sa justice, après la défaite de l'homme, il a voulu que l'homme lui-même vainquît son tyran. Sa sagesse, il a trouvé le moyen de payer une dette très onéreuse, sa puissance infinie, il n'y a pas d'œuvre plus grande qu'un Dieu se faisant homme. De plus, comme il est la bonté même, tout ce qui entre dans l'essence du bon lui convient. Or il entre dans l'essence du bon de se communiquer aux autres êtres. Par conséquent, il est essentiel à sa souveraine bonté de se donner à la créature de la manière la plus excellente. Et c'est ce qui se réalise surtout lorsqu'il s'unit une nature créée d'une façon si intime qu'une seule personne résulte de ces trois choses, le Verbe, une âme, une chair. Il était convenable, on le voit, que Dieu s'incarna. Note. L'incarnation n'a rien qui répugne à la raison. Dieu n'a ni changé sa nature ni cessé d'être ce qu'il était, il s'est uni à la créature, ou plutôt il a uni la créature à lui, sans déroger à sa dignité suprême. Quand Volusien écrivait à saint Augustin, il répugne que celui devant qui l'univers et peu de choses se cachent dans le corps d'un petit enfant, qu'il reste si longtemps éloigné de son trône, et que le soin de l'univers soit reporté sur ce seul petit corps. Saint Augustin répondait, la doctrine chrétienne ne dit pas que Dieu, en se revêtant d'une chair humaine, ait abandonné ou perdu le soin du gouvernement du monde, ni qu'il l'ait reporté sur ce faible corps, une telle idée vient de l'homme, qui ne conçoit que des choses corporelles. Dieu est grand par sa puissance, et non par son volume. La grandeur de sa puissance n'est jamais resserrée dans les limites les plus étroites. Si la parole passagère de l'homme est entendue simultanément et entièrement par plusieurs personnes, il n'est pas incroyable que le Verbe de Dieu, qui subsiste éternellement, Soit tout entier partout et en même temps. Fin de la note. 2. Était-il nécessaire, pour la restauration du genre humain, que le Verbe de Dieu s'incarna? Saint Jean dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:16. Une chose est nécessaire pour une fin de deux manières, absolument, et par convenance. Démontrons, disait très bien saint Augustin, non pas que Dieu, dont la puissance embrasse toute chose, n'avait point d'autre moyen que l'incarnation pour nous racheter, mais qu'il n'en avait pas de plus convenable pour guérir notre misère. L'incarnation nous porte au bien, en affermissant notre foi, qui, fondée sur la parole du Fils de Dieu, unie à notre nature, devient plus certaine. Elle ranime notre espérance, en nous montrant combien Dieu nous aime. Elle excite notre charité, par la nécessité de rendre amour pour amour. Elle nous offre pour modèle un Dieu homme, et nous donne une pleine et entière participation de la divinité, notre vraie béatitude et notre fin dernière. Dieu s'est fait homme, dit saint Augustin, afin que l'homme devint Dieu. L'incarnation nous éloigne du mal. Dieu lui-même nous y apprend à ne point mettre le démon au-dessus de nous et à ne pas révérer l'auteur du péché. Il nous révèle la dignité de notre nature, puisqu'il se montre aux hommes dans un vrai homme. Aussi le pape saint Léon s'écrit-il, reconnaît, ô chrétien, ta dignité, et, devenu participant de la nature divine, garde-toi de retourner, par une conduite avilissante, à ton ancienne dégradation. Ce mystère anéantit en nous toute présomption, en nous apprenant que la grâce nous est donnée sans aucun mérite de notre part. Il confond notre orgueil, principal obstacle qui nous empêche d'aller à Dieu. Il délivre l'homme de la servitude, au moyen de la satisfaction de Jésus-Christ. Un pur homme, en effet, ne pouvait pas satisfaire pour le genre humain, et Dieu ne le devait pas. Il fallait que le Christ fût tout à la fois Dieu et homme. Écoutons le pape saint Léon. La force s'unit à la faiblesse, la majesté à l'humilité, l'éternité à la mortalité, afin que, comme le demandait notre guérison, un seul et même médiateur entre Dieu et nous pût mourir dans une nature et se ressusciter par l'autre. Si le Christ n'était pas Dieu, il n'apporterait pas le remède à nos maux, et s'il n'était pas vrai homme, il ne nous donnerait pas l'exemple des vertus. Il est résulté du mystère de l'incarnation beaucoup d'autres avantages qui surpassent notre intelligence. On voit dans quel sens il était nécessaire, pour la réparation du genre humain, que le Verbe de Dieu s'incarna. 3. Si l'homme n'eût pas péché, Dieu se serait-il incarné? Les sentiments sont divers à cet égard. Les uns pensent que si l'homme n'eût pas péché, le Fils de Dieu se serait néanmoins incarné. Les autres sont d'une opinion contraire. On ne saurait disconvenir que, dans les livres saints, la raison de l'incarnation est prise du péché de l'homme. Pour ce motif, il nous paraît plus vraisemblable que le mystère de l'incarnation devait, dans les conseils divins, remédier à la chute de l'homme, et que si le péché n'avait pas existé, l'incarnation n'aurait pas eu lieu. Mais nous nous gardons de limiter la puissance de Dieu. Il aurait assurément pu s'incarner dans toute hypothèse. Note. Dieu avait destiné d'avance l'œuvre de l'incarnation à remédier au péché de l'homme, de même qu'il règle parfois d'avance que le salut de tel homme s'accomplira au moyen des prières des autres. Rien n'empêche de révéler une chose à quelqu'un sans lui en découvrir le motif. Adam put connaître le mystère de l'incarnation sans avoir la prévision de sa chute. Ceux qui connaissent un effet n'en connaissent pas nécessairement la cause. Fin de la note. 4. L'incarnation a-t-elle eu pour fin d'effacer le péché originel plutôt que les péchés actuels? Dans ces paroles de Saint Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde », Jean 1, 29, il faut entendre le péché originel, comme un au genre humain tout entier. Il est certain que le Christ est venu en ce monde pour effacer tous les péchés sans exception, il a fait tout ce qui était nécessaire pour cela. Si tous ne le sont pas réellement, les hommes ne sauraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il avait cependant pour but spécial de détruire le péché originel, qui souille le genre humain dans son ensemble, et auquel nul péché actuel ne saurait être comparé sous le rapport de l'extension. Quand on réfléchit que le bien d'une nation l'emporte sur le bien des particuliers, on ne saurait douter qu'il importait plus d'abolir le péché de la nature entière que les autres péchés. 5. Convenait-il que Dieu s'incarnât dès le commencement du monde? Puisque l'incarnation a pour fin principale la restauration de la nature humaine par l'abolition du péché, il ne convenait pas que Dieu s'incarnât dès l'origine du genre humain ayant le péché. On ne donne des médecines qu'à ceux qui sont déjà malades. Notre Seigneur le disait, les malades seuls ont besoin du médecin, et non pas ceux qui sont en santé. Matthieu 9, 12. Il n'eût pas été plus convenable que Dieu s'incarnât immédiatement après le péché, qui avait son principe dans l'orgueil. Il fallait que l'homme, couvert d'humiliation à la vue de sa propre faiblesse, reconnut le besoin qu'il avait d'un libérateur et implora le secours de la grâce. La dignité du Verbe incarné demandait, de son côté, que le Christ ne vînt que dans la plénitude des temps. Plus le juge était grand, plus devait être longue la suite des héros qu'il annonçait. Note. Mais, dit-on, la charité diffère-t-elle de porter des secours à un ami dans la nécessité? La charité consulte l'opportunité des affaires et l'état des personnes. Le médecin qui administrerait un médicament aussitôt que la maladie prend naissance, nuirait parfois à son malade, loin de le soulager. Pour une raison pareille, le Seigneur n'a pas appliqué au genre humain, dès son origine, le remède de l'incarnation. On dira peut-être qu'un plus grand nombre d'hommes auraient été sauvés, si l'incarnation avait eu lieu immédiatement après la chute d'Adam. Saint Augustin répond, croyons, sans hésiter, que Dieu est miséricordieux envers ceux qu'il délivre, et juste à l'égard de ceux qu'il punit. Fin de la note. 6. Convenait-il que l'incarnation fût différée jusqu'à la fin du monde? Il est écrit, « Vous vous manifesterez au milieu des temps », Habacuc 3:2. S'il n'était pas convenable que l'incarnation s'accomplît dès le commencement du monde, il ne l'était pas davantage qu'elle fût différée jusqu'à la fin des temps. Nous en avons une double preuve dans l'union de la divinité avec la nature humaine, et dans l'effet de cette union, qui est le salut des hommes. Le Verbe incarné est la cause efficiente de la perfection de la nature humaine. Selon cette parole, nous avons tout reçu de sa plénitude. Jean 1, 16. C'est pourquoi la perfection de la gloire à laquelle il devait élever la nature humaine, comme à son dernier terme, pouvait être réservée pour la fin du monde, mais non pas celle qui nous y dispose. Libre de faire miséricorde quand il voulait et autant qu'il voulait, le Christ a dû venir au moment où, selon son jugement, il fallait porter secours à l'homme, et où le bienfait de la rédemption devait être reçu avec reconnaissance. Or, pour lui préparer la voie, lorsque la connaissance de Dieu commençait à s'obscurcir et les mœurs à s'altérer, Abraham fut choisi pour donner l'exemple des mœurs et de la foi. Un peu plus tard, Moïse donna la loi écrite, qui, méprisée des nations, ne fut pas même observée par le peuple auquel elle s'adressait. Alors le Seigneur, touché de compassion, envoya son Fils, qui, après avoir apporté à tous les hommes la rémission des péchés, devait offrir à Dieu son Père ceux qui l'auraient justifié. Si ce moyen de salut avait été différé jusqu'au dernier jour du monde, la connaissance de Dieu, son culte et la pureté des mœurs auraient totalement disparu sur la terre. Il est non moins évident que ce parti était convenable pour manifester la puissance divine, qui a sauvé les hommes de plusieurs manières, non seulement par la foi dans l'avenir, mais encore par la foi dans le présent et dans le passé. Note. Il y a deux avènements du Christ, le premier, pour remettre les péchés, le second, pour juger le monde. Sans le premier, tous les hommes, privés de la gloire éternelle par le péché, eussent péri ensemble. Notre Seigneur ne devait pas le différer jusqu'à la fin du monde. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.